Global Production. Du plomb dans la tape. Galego. NYTO. Ouais, ouais. J'rappe le présent, le passé et fait le futur nous attend. On a plus d'essentiel, même si tu peux plus passer devant. La vie stimule la haine pour faire apparaître un fléau. Voudrais sur nos feuilles des salaires, quelques numéros en trop. Faut pas croire que tous vos chromes rapportent l'or. Mais alors pourquoi ils cherchent juste à ouvrir la boîte de Pandore? Esquive tout ce que les gens disent, ne puis pas si tu veux vivre. Tu veux cramer mon pis en guise d'une énième tentative. J'taffe plus dur pour faire des rimes que d'aller au pont.